celles qui font les sages, mais qu'on voit rentrer tard. Celles qui se cachent, mais en fait c'est des fêtards. Oui, mais toi t'es pas comme elle, t'es pas comme elle, nanana, t'es pas comme elle, t'es pas comme elle. Quand t'arrives dans le club, tu fais tomber mes tucks. Quand tu bouges sur le sub, direct qu'il y a un bug. Qu'on passe devant le pub, tout le monde nous guette. J'aime ton taille gap et ta taille de guêpe. J'étais dans le bloc, j'avais les menottes. Maintenant on les snob, j'vends plus de la drogue. Toi t'es ma bastos, moi j'suis le Glock. Tout le monde à terre, t'es ma lampe de choc. 1-2-1-2, toi et elle, y'a pas match. 1-2-1-2, sans talon, c'est une frappe. 1-2-1-2, toi et elle, y'a pas match. 1-2-1-2, sans talon, c'est une frappe. Y'a celles qui font les stars, celles qui font les bellas. Celles qui michetonnent de Paris à Marbella. Y'a celles qui font les sages, mais qu'on voit rentrer tard. Celles qui se cachent, mais en fait c'est des fêtards. Oui, mais toi, t'es pas comme elle. T'es pas comme elle, nanana. T'es pas comme elle. T'es pas comme elle. Toi et elle, aucune comparaison. Immédiatement tu passes en comparution. Un peu de concentration, pas de concertation. J'ai ce que je veux, pas de contradiction. Prends ce que tu veux, je gère l'addition. Pire que de l'adopter, une vraie addiction. Avant je voyais l'anneau comme une malédiction. Je vais te passer la bague plein de bénédictions. 1-2-1-2, toi et elle, y'a pas match. 1-2-1-2, sans talon, c'est une frappe. 1-2-1-2, toi et elle, y'a pas match. 1-2-1-2, sans talon, c'est une frappe. Y'a celles qui font les stars, celles qui font les bellas. Celles qui michetonnent de Paris à Marbella. Y'a celles qui font les sages, mais qu'on voit rentrer tard. Celles qui se cachent, mais en fait c'est des fêtards. Oui, mais toi, t'es pas comme elle. T'es pas comme elle, nan.